السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On est toujours dans le chapitre sur l'intercession. On est arrivé à la parole d'Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى. On n'a pas pu la terminer, donc on va la reprendre entièrement. قال المصنف رحمه الله أي شيخ الإسلام محمد بن علوهاب رحمه الله تعالى قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. L'auteur qui est Cheikh l'Islam, Mohamed ibn al-Wahhab, رحمه الله تعالى, il dit Abu al-Abbas, c'est Ibn Taymiyyah, رحمه الله, a dit Allah a nié tous ceux auxquels les polythéistes s'accrochent en dehors de lui. Il a donc nié qu'ils aient une quelconque possession ou une part de son royaume, ou qu'ils soient des aides d'Allah. Il n'est resté que l'intercession. Il a donc clarifié qu'elle n'est utile qu'à celui à qui le Seigneur l'a permis. Comme Allah a dit, c'est dans la traduction du sens est, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Surat al-Anbiya, verset 28. Donc cette intercession que pensent les polythéistes est inexistante le jour du jugement, comme l'a dit le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il viendra, et se prosternera pour son Seigneur et fera ses louanges. Il ne commencera pas d'abord par intercéder. Puis il lui sera dit, lève ta tête, et dis, et cela sera entendu. Et demande, et il te sera donné, et intercède, et l'intercession te sera accordée. C'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari, numéro 3340, et Muslim, numéro 194. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il continue en disant, et Abu Huraira a dit, qui sera le plus heureux des gens par ton intercession? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui disent, la ilaha illallah, sincèrement venant de leur cœur. La ilaha illallah, c'est-à-dire nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. La parole d'Ibn Taymiyyah continue en disant cette intercession est donc pour les gens de la sincérité avec la permission d'Allah. Et n'est donc pas pour ceux qui ont associé à Allah. Et sa réalité est qu'Allah est celui qui fait grâce aux gens de la sincérité et leur pardonne au moyen de l'invocation de ceux à qui il a donné l'autorisation d'intercéder. Et ce, afin de l'honorer et qu'il puisse atteindre le statut élogieux. Ou plutôt de celui à qui il a donné l'autorisation d'intercéder. L'intercession, ici le maqam mahmoud, on a traduit ça par statut élogieux. Maqam al-mahmoud. Al-maqam al-mahmoud. L'intercession, niée par le Coran, est celle qui contient de l'association, le shirk. Et c'est pour cela qu'il a affirmé à certains endroits l'intercession faite avec sa permission. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié qu'elle ne peut être que pour les gens de l'unicité et de la sincérité. Et avec ça, on a fini la citation d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Voilà l'explication de Cheikh al-Fawzan par rapport à cette partie du chapitre où Cheikh al-Islam, Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah, il rapporte cette parole d'Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et il dit, Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, Abu al-Abbas huwa Cheikh al-Islam taqiyuddin Ahmed ibn al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Imam al-Mashhur صاحب المصنفات المفيدة كانت وفاته سنة 28 بعد 700 هجرية رحمه الله تعالى. أبو العباس الشيخ الإسلام Taqiyuddin, Ahmad, Ibn Abd al-Halim, Ibn Abd al-Salam, Ibn Taymiyya, le célèbre imam et auteur de livres très bénéfiques, décédé en l'an 728 de l'Égir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Qistun, al-qistu huwa al-nasib. Le mot qistun, c'est al-nasib, la part. Al-shafa'atu allati yazunnuha al-mushrikun, ay allati yatlubunaha min ghayri Allah min al-andad. Al-shafa'atu allati yazunnuha al-mushrikun, c'est-à-dire cette intercession que pensent les associateurs, les mushrikoun, les polythéistes, c'est-à-dire qu'ils demandent en dehors d'Allah à ceux qu'ils donnent comme égaux à Allah. وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ أَيْ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ فِي الصَّحِحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ Et le prophète صلى الله عليه وسلم a informé, c'est-à-dire dans le hadith authentique qui est rapporté dans les deux recueils d'Ahadith authentiques, Al-Bukhari ou Muslim, et d'autres recueils, et c'est le fameux hadith, hadith al-shafa'a, le hadith de l'intercession. وقال أبو هريرة أي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة. أبو هريرة أدي تدير dans le hadith rapporté par البخاري ومسلم النسائي d'après أبو هريرة. أسعد الناس أكثرهم سعادة بها. أسعد الناس le plus heureux parmi les gens, c'est-à-dire celui parmi les gens qui en est le plus heureux. خالصا من قلبه احتراز من المنافق الذي يقولها بلسانه فقط خالصا من قلبه sincèrement venant de son cœur, c'est-à-dire une restriction afin que l'hypocrite qui le dit uniquement avec sa langue n'y soit pas compris, c'est-à-dire dans ce hadith. Vous savez qu'un hypocrite peut le dire avec sa langue mais il ne le dit pas avec son cœur. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم quand il a dit ça est sorti du hadith directement le munafiq. On avait déjà parlé de ça dans le cours précédent. وحقيقته أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة لا كما يظنه المشركون. وحقيقته et sa réalité, c'est-à-dire la réalité de l'affaire quant à la clarification de l'intercession valide, pas comme le croient les polythéistes. المقام المحمود أي الذي يحمدهم فيه الخلائق كلهم. المقام المحمود, c'est-à-dire celui où toutes les créatures lui feront leur louange. مقصود المؤلف في سياق من سياق كلام شيخ الإسلام هنا. C'est important ici le but ou l'objectif pour lequel l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab rahimahullah il a cité cette parole d'Ibn Taymiyyah, ce qui est une raison. Il l'a cité dans le cadre d'un chapitre. Et il dit car il y a dans cette parole أن فيه شرحا وتفسيرا لما في هذا الباب من الآيات. ففيه أولا صفة الشفاعة المنفية وصفة الشفاعة المثبتة. ثانيا ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له فيها. ثالثا أن أسعد الناس بالشفاعة أهل الإيمان. فإذا له صلى الله عليه وسلم ستة أنواع من الشفاعة. On va d'abord traduire jusqu'à là puis on reviendra à ça inshallah. Donc ici important le but pour lequel l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il a cité cette parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah. Il dit Cheikh al-Fawzan car il y a dans cette parole une explication et une exégèse des versets cités dans ce chapitre. Et donc il y a dans cette parole d'Ibn Taymiyyah, il va citer plusieurs points ici. Le premier, la caractéristique de l'intercession qui est niée, ce qu'on appelle al-shafa'atul manfiyah, et la caractéristique de l'intercession qui est affirmée, ce qu'on appelle al-shafa'atul musbata. Hein, toujours, comme souvent dans le mouton, quelqu'un avait dit Qawl Arba dernièrement très justement, on le dit Shafa'atu, Shafa'atan, Shafa'atu Musbata, Shafa'atu Manfiya, etc. Important de comprendre ces deux types d'intercession. D'accord ? Il y a l'intercession qui est affirmée et l'intercession qui est quoi ? Niée. Hein ? Deuxième point, l'évocation de la grande intercession, ce qu'on appelle Shafa'atu Kubra. Et c'est le statut élogieux, Al-Maqam Al-Mahmoud. Et c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fera jusqu'à ce que lui soit autorisé d'intercéder. Troisième point, les gens les plus heureux par cette intercession sont les gens de la foi, les croyants. Par rapport à la question de qui ? Par rapport à la question de qui ? C'est une skill, comme ils disent en anglais, de pouvoir écouter et écrire en même temps. Et de lire, écrire en même temps, écouter. C'est important dans un dars de faire jouer un peu tout ça, d'écrire et d'écouter et de prêter attention en même temps. D'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé dans un via WhatsApp, etc. Il m'a envoyé un petit morceau de vidéo où on voit Abdelzak al-Badr en Indonésie. Et ça montre l'akhlaq des chers et comment ils ont un très bon enseignement. On voit en fait que le cher, il a remarqué que dans la daura, dans la conférence, il y avait une personne très très âgée, un frère indonésien, qui en fait qui écrivait depuis le début de la daura et dans tous les durous sans s'arrêter. Et cher, il a dit que ses notes étaient très précises et qu'il a bien résumé tout ce qu'il a dit, etc. Et qu'en fait il a dit malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus jeunes que lui. Eh bien, et qui n'écrivent pas un mot autour de lui. Certains n'écrivaient pas du tout. Il a dit, le cheikh, lui, cette personne âgée, etc. Il appelait le cheikh, lui, par respect pour la personne. Il a dit, que le cheikh... il a dit, donc, le cheikh, il a plusieurs cadeaux de ma part, il a dit, le cheikh. Et il a dit, ça prouve aussi que... la motivation dans talab elle doit être toujours... La parole de l'imam Ahmed, elle est connue par rapport au fait que tu étudies jusqu'à la tombe. Et donc le cheikh il a dit j'ai oublié mon portefeuille à l'hôtel et donc il a dit la première chose que je te donne déjà c'est ma montre. Il a retiré sa montre chez Abdelzak et il lui a offert, etc. Donc pour montrer que donc, c'est important de noter et d'écouter en même temps, parce que c'est vrai que des fois quand je pose une question comme ça on est occupé à noter mais il faut aussi écouter. Donc on a dit par rapport à la question de qui d'Abu Huraira radhiyallahu anhu warḍah. Puis le cheikh rapporte une faïda, il dit, qui est importante, faïda, lahu sallallahu alayhi wa sallam, sitatu anwa'in min al-shafa'a. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a six genres d'intercession. Six genres. Notez-les, inshallah. Al-awwal, c'est-à-dire le nom al-awwal. Al-shafa'atu al-kubra allati ikhtassu biha nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, wa hiya al-shafa'atu al-ahli al-mawqif. Liyafsil Allahu baynahum wa yuriha'hum min maqamihim fil mawqif. Le premier genre d'intercession du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la grande intercession qui est spécifique à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, et c'est l'intercession pour les gens du mawqif, afin qu'Allah juge entre eux et les repose d'être debout au mawqif. Deuxième genre d'intercession, an-nou' al-thani, shafa'atuhu li ahli al-jannati hatta yadkhuluha. Deuxième genre d'intercession, c'est son intercession sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du paradis afin qu'ils y entrent. Troisième, al-thalith, al-shafa'atu liqawmin min al-usah istawjabu dukhul al-nari an la yadkhuluha. Le troisième genre d'intercession, c'est l'intercession pour des gens désobéissants pour qui l'entrée en enfer était obligatoire afin qu'ils n'y entrent pas. Quatrième, al-rabi' الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها. L'intercession pour des gens parmi les désobéissants qui sont entrés en enfer afin qu'ils en sortent. Le cinquième, الخامس, الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. Le cinquième genre d'intercession du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, c'est l'intercession pour des gens du paradis afin qu'ils aient plus de récompenses et des degrés plus hauts au paradis. An-nou' as-sadis, shafa'atuhu sallallahu alayhi wasallam fi 'ammihi Abi Talib an yukhaffifa 'anhu 'adab an-nar. Le sixième, c'est son intercession pour son oncle alayhi salatu wassalam, son oncle paternel, afin qu'il lui allège le châtiment de l'enfer. Et ça va introduire le prochain chapitre qu'on va faire aussi aujourd'hui, inshallah, qui est Bab, qawlillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit : Et la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens, est : Tu, Muhammad, ne dirige pas celui que tu aimes. Tu, c'est-à-dire qui, Muhammad ? Ne dirige pas celui que tu aimes. Et c'est un verset de Surat al-Qasas qu'on va terminer dans un instant, Inch'Allah, qu'on va compléter. Et Cheikh al-Fawzan, justement, le très savant Cheikh Salih ibn al-Fawzan, Mi'abdil al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il explique ce début de chapitre en disant Tamamul ayati, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Une Surat al-Qasas. La complétion du verset est, c'est dans la traduction du sens est, mais c'est Allah qui guide qui il veut, il connaît mieux cependant les bien guidés. C'est-à-dire que les versets dans leur complémentarité ou le fait qu'ils soient complets, qu'on le cite complètement, c'est la traduction du sens. Tu, Muhammad, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, il connaît mieux cependant les bien guidés. Puis Cheikh al-Fawzan dit Munasabatul Bab il kitab al-Tawhid. Comme il le fait à chaque fois, ça fait partie de son bon enseignement, Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, c'est qu'il te montre pourquoi comment ce chapitre il s'articule dans le kitab al-Tawhid, dans le livre de l'unicité. D'accord ? Et il dit أن فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته فلم يتيسر له ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك وذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحب فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا فبطل تعلق به لجلب النفع ودفع الضر Donc, le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité est qu'il y a dans ce verset, de Surat al-Qasas qu'on a cité, une réfutation à l'encontre des adorateurs de tombes, qui croient que les prophètes et les vertueux leur obtiennent le bien et repoussent d'eux le mal. Et cette réfutation est que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut comprendre en fait ce qu'on appelle le wajh al-istidlal, que tu rapportes toujours un dalil. Évidemment, le Coran c'est authentique, mais quand tu apprends un hadith, tu dois voir si c'est authentique ou pas d'abord. D'accord ? Mais après, il y a aussi ce qu'on appelle, et tu as le dalil maintenant, mais tu as ce qu'on appelle aussi wajh al-istidlal. C'est-à-dire, la raison pour laquelle tu as utilisé cette preuve comme preuve de ce que tu avances. D'accord ? Donc ici, le Cheikh il t'a juste donné un verset. Et il l'a cité dans le Kitab al-Tawhid. Donc comment ce verset, c'est une preuve pour nous par rapport au Tawhid ? Et qu'est-ce que ça implique, etc. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Il dit justement qu'il y a une réfutation à l'encontre des adorateurs de tombes, Abad al-Qubur. Pourquoi ? Car cette réfutation, elle est comme suivante. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était diligent quant à la guidée de son oncle paternel, de son vivant, et que ce ne lui a pas été possible, et qu'il a invoqué pour lui après sa mort, et que ça lui a été interdit, on va voir ça dans un instant, Inch'Allah. Et qu'Allah le Très-Haut a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas la capacité de guider ceux qu'il aime. Et on va voir les deux genres de guidance, de guider ici, ou de guidance. C'est-à-dire une guidée des cœurs, ça c'est qu'Allah qui peut le faire, si quelqu'un accepte ou pas la vérité. Et puis une guidance. Ça, moi j'aime traduire l'une par guidance, l'autre par guider. Hein? La guidance d'orientation, et de da'wah, et de prédication, etc. C'est celle-là, elle est détenue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on répète cette phrase, que ça lui était interdit de demander pardon et pour lui, et qu'Allah le Très-Haut a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas la capacité de guider ceux qu'il aime. Alors tout cela indique que le messager sallallahu alayhi wa sallam ne détient ni l'obtention du bien, ni le repoussement du mal. Et que donc il est faux de s'accrocher à lui afin d'obtenir le bien et de repousser le mal. Et cela est encore plus vrai pour toute personne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors peut-être que, alhamdulillah, nos frères salafis, alhamdulillah, ils sont, le tawhid est en eux. Peut-être que ça leur paraît évident, alhamdulillah, walilalhamd, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Hein. Ça m'est déjà arrivé de discuter avec des gens qui étaient c'était une qaddara, ça s'est passé, c'était un débat qui n'était pas voulu, mais qui est arrivé. Hein, et que ces gens-là, ils revendiquaient l'autorisation de demander au prophète, alayhi wa sallam. Comme à un moment, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez laissé à Allah ? Vous pouvez demander ceci, cela, cela, le prophète, qu'est-ce que vous avez laissé à Allah ? Donc c'est important que tu les réfutes. Tu réfutes leurs arguments, parce qu'ils étaient venus, en plus, ils avaient... à la base, ce n'était pas moi qui était censé être là, mais certains de nos frères, ils étaient bloqués, parce qu'Allah et Dieu, ils sont rentrés dans les débats. Hein, et donc, je suis arrivé, etc. Et là, j'ai discuté avec eux, et ils avaient des livres d'Ibn Shihab al-Baz, ils avaient des livres d'Ibn Taymiyyah, ils avaient des chaînes de narration d'Ibn Kathir, etc., etc. D'accord, donc celui qui présente ça, il est arabophone d'ailleurs. Donc c'est important. La discussion tourne autour du tawassul. J'avais déjà raconté, je pense, ça dans certains d'entre nous avant. La discussion tourne autour du tawassul. Alhamdulillah, Ahl Sunna, ils sont sortis victorieux de ce débat-là, mais ce que je suis en train de dire, c'est que il faut avoir les arguments, il faut comprendre. Il faut, et puis ces arguments, comment les utiliser aussi. Rien que ce verset-là, tu peux les réfuter. D'accord ? C'est pas un appel à rentrer dans les débats avec les gens. Et on avait parlé de la règle chez Al-Sunnah par rapport au débat qu'on a fait au Sul-Sunnah de l'imam Ahmed, l'explication de Cheikh Rabi. Cheikh Rabi avait donné l'autorisation, quand c'est autorisé, quand c'est pas autorisé le débat, et quelles sont les conditions, etc. À la kulli hal, donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il continue en expliquant les termes comme il le fait d'habitude, il dit « Innaka al-khitabu lil-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ». Innaka, c'est-à-dire tu, cela s'adresse au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. لا تهدي هداية توفيق للدخول في الإسلام وما هداية الدعوة والبيان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يملكها إلى بخوف السلاسي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. Et ça c'est une règle très importante, les frères Zakumullah Khairan et les sœurs aussi qui nous écoutent, c'est qu'il faut comprendre que, akum salam atullah, que parmi les règles importantes d'Ahl Sunnah al-Jama'a, c'est que quand ils étudient un sujet, ils regroupent tous les textes dans ce sujet, dans ce chapitre. D'accord ? C'est ce qu'on appelle en arabe « jam'u nusus al-bab ». C'est-à-dire que tous les textes qui sont dans un chapitre, quand ça concerne les noms attributs d'Allah ou autres sujets, etc., ils regroupent tous les textes et ils les comprennent ensemble. Comme pour Al-Bida' qui prennent une partie, ils laissent une partie. Ici, regardez ce qu'il a dit sur le Fawzan. Il a donné un exemple, il a dit « la tahdi, tu ne guides pas ». Il explique en disant « d'une guidée de facilitation à la personne d'entrer en islam ». Quant à la guidance de prédication et de clarification, le messager sallallahu alayhi wa sallam la détient. Et pour preuve de cela, la parole d'Allah dans la traduction du sens est « Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. » Regardez un peu le premier verset de Sourate Al-Qasas qu'on a cité « Innaka la tahdi man ahbab » Et le deuxième de Sourate Shura, verset 52 « Wa innaka la tahdi ila sirat mustaqim » Le premier « la » c'est un « la » de Nafi. C'est pour ça qu'on l'a dit long, « la » avec un « lam alif » Tandis que le deuxième, c'est un lame tout seul. C'est lame de tawkid, ça. C'est lame d'insistance et de confirmation. D'accord ? C'est pour ça qu'on nous traduit en disant en vérité, tu guides certes vers un chemin droit. Donc, dans un verset, cette guidée-là, elle est niée, et dans l'autre, elle est affirmée. Donc, comment tu comprends ? Ben, c'est que la guidée, elle est de deux types. C'est que la guidée, hidayat tawfiq, c'est celle-là qui est niée au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et hidayat al-dalala wal-irshad wal-da'wa, etc. C'est celle-là qui est affirmée. Pour le deuxième verset, je vais citer, c'est sur la Shura, verset 52. Man ahbabta hidayatah, celui que tu aimes, c'est-à-dire celui que tu aimes sa guidée. C'est une des explications des ulama par rapport à ce verset. Walakin Allah yahdi man yasha, yuwaffiqu lid-dukhuli fil islam. Hein? Mais c'est Allah qui guide qui il veut, c'est-à-dire qui lui facilite l'entrée en islam. Mais c'est la guidée des cœurs, évidemment. Et il connaît mieux cependant les bien guidés, c'est-à-dire qu'il connaît mieux ceux qui méritent la guidée et ceux qui méritent l'égarement. Maintenant, on a le ma'na l'ijmali l'ayah. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تقدر على توفيق من تحب دخوله في الإسلام ولكن ذلك إنما يكون بيد الله فهو الذي يوفق من شاء له وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. Son général du verset est le suivant, qu'Allah le Très-Haut a dit à son messager صلى الله عليه وسلم, tu n'es pas capable de faciliter à celui pour lequel tu désires son entrée en islam, mais cela n'est qu'entre les mains d'Allah, car il est celui qui facilite à qui il veut, et il est celui qui connaît mieux ceux qui le méritent et ceux qui ne le méritent pas. Maintenant, on a le rapport entre le verset et le chapitre. Munasabatu al-ayati lil-bab, le verset de Sourate Al-Qasas. Anna fiha dalalatan wadihatan ala anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam la yamliku darran wala naf'a wala ata'an wala man'a wa anna al-amra kullahu biyadillah. Fa fiha ar-radd ala alladhina yunadunahu litafrij al-kurubat wa qada' al-hajat. Le rapport entre le verset et le chapitre est qu'il y a dans ce verset une indication claire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne détient ni le repoussement du mal, ni l'obtention du bien, ni le fait de donner, ni le fait d'empêcher de recevoir, et que l'affaire tout entière est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc dans ce verset une réfutation à l'encontre de ceux qui en appellent à lui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il dissipe pour eux les difficultés et accomplisse leurs besoins. Ce que l'on tire comme bénéfice de ce verset, ma yustafadu min al-aya. Awalan, الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة. La réfutation à l'encontre de ceux qui croient que les awliya, le pluriel de wali, on avait dit c'est kullu mu'minin taqi, comme l'a défini Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est-à-dire tout croyant pieux. La réfutation à l'encontre de ceux qui croient que les awliya sont utiles à autrui, ou causent du mal à autrui, et agissent après la mort en termes de miracle. Deuxième bénéfice, la guidée de facilitation, de tawfiq, n'est qu'entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième, isbatu al-ilmi lillahi subhanahu. L'affirmation de la science, de l'attribut de la science à Allah, exalté soit-il. Rabi'an, isbatu al-hikmati lillahi subhanahu wa ta'ala. L'affirmation de la sagesse, de l'attribut de sagesse à Allah, exalté soit-il subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, ibtalu ta'alluqi bi ghayrillah. L'invalidation du fait de s'accrocher à autre qu'Allah. On continue dans le matn. Cheikh l'Islam, rahimahullah, il dit في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Donc Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdelhab rahimahullah il dit, et dans l'authentique d'après Ibn al-Musayyib, d'après son père qui est le Musayyib, qui dit, lorsqu'Abu Talib était sur le point de mourir, le messager d'Allah vint à lui, sallallahu alayhi wa sallam, alors que se trouvait déjà là, auprès d'Abu Talib, Abdullah ibn Umayyah et Abu Jahl. Il dit donc, ô mon oncle paternel, dis la ilaha illallah, une parole que je pourrais utiliser pour toi auprès d'Allah. Ils dirent tous deux, c'est-à-dire Abdullah ibn Umayyah et Abu Jahl, délaisserais-tu la religion d'Abd al-Muttalib? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répéta alors son propos, et ils répétèrent tous deux leurs propos. Et donc la dernière chose qu'il, Abu Talib, dit fut, il est sur la religion d'Abd al-Muttalib. Vous avez remarqué quelque chose ici, c'est il est. Il n'a pas dit je suis dans ce hadith, vous allez savoir pourquoi. Il refusa de dire la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, je demanderai certes pardon pour toi, Allah, tant qu'il ne me sera pas interdit de demander pardon pour toi. Allah révéla alors le verset dans la traduction du sens est, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents. Surat Tauba, verset 113. Et Allah révéla au sujet d'Abu Talib, ce dont la traduction du sens est, tu, Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Surat Al-Qasas, verset 56. On a l'explication de ce passage de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, il dit, Tarjamatu ibn al-Musayyib, wa Sa'id ibn al-Musayyib, ahad al-ulama'i wal-fuqaha'i al-kibar, min al-tabi'ina, mata ba'da al-tis'in. Ibn al-Musayyib, c'est qui? Sa biographie succincte, c'est Saïd ibn al-Musayyib, l'un des savants et des grands jurisconsultes parmi les tabi'oun, décédé à plus de 90 ans. Fils sahih, sahih al-Bukhari, dans l'authentique, c'est-à-dire l'authentique d'al-Bukhari. An abih, d'après son père, c'est-à-dire Ibn al-Musayyib, le fils d'al-Musayyib, rapport de son père, qui est al-Musayyib. Et son père, c'est un compagnon. C'est un tabi'i, fils de compagnon. D'après son père, Al-Musayyib est Al-Musayyib, un compagnon décédé pendant le califat de Uthman. لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها. لما حضرت أبا طالب الوفاة, lorsque la mort vint à Abu Talib, c'est-à-dire ses signes et ce qui lui est précurseur. يا عم عمي, en arabe on dit عمي, avec un ya, c'est le ya d'appartenance, si vous voulez, de possession, c'est-à-dire mon oncle paternel. Ici, on a dit ya ammi, mais c'est pas long, parce qu'il n'y a pas de kasra. C'est une règle en langue arabe, le cher explique, qui dit ammunada mudaf, hadafat ou hudifat minhu lya, wa baqiyat il kasra tu dalilan alayha. C'est ce qu'on appelle la munada, parce que ya c'est harfunida, et ici, le ya, en raison de cela, il a été retiré, il a été mahdouf. Hein, il a disparu, si vous voulez. Et donc, en grammaire arabe, c'est un munada affixé dont le ya a disparu, mais dont la kasra est restée comme preuve du ya. Voilà. On va traduire ça comme ça. Kalimatan bin nasbi ala al-badali min la ilaha illallah. Ça aussi, c'est presque impossible de traduire. On va essayer. Une parole, kalimatan. Hein, parce que le prophète a dit qul la ilaha illallah, puis il a dit kalimatan. C'est-à-dire qul quoi? C'est-à-dire que toute cette phrase-là, c'est comme si c'était dans un hal de maf'ul bihi, si vous voulez. D'accord? Ici. Et après, kalimatan aussi, comme si c'était un maf'ul bihi mansoub, parce que c'est un badal du premier. Regardez le badal dans le badal mansoub, dans l'azrumiya. C'est un accusatif qui remplace le cas de l'accusatif de la phrase la ilaha illallah. Wahadju bitajdid al-jim maftouhatan ala al-jazmi bijawab al-amr. Encore une règle dans la grammaire arabe. من المحجة وهي بيان الحجة أي أشهد لك بها عند الله وحاج avec une شدة sur le jim et avec une فتحة car c'est مجزوم وحاج c'est pas وحاج pourquoi c'est وحاج et c'est pas وحاج c'est مجزوم en réponse à un impératif مجزوم في جواب الأمر on dit en arabe et cela vient parce qu'il a dit c'est quoi l'impératif ici قل Et cela vient de l'muhajja qui est de mettre en évidence la preuve, c'est-à-dire par laquelle je témoignerai pour toi auprès d'Allah. Atarghabu, c'est-à-dire atatruku, délaisseras-tu. Millata Abdul Muttalib, hiya shirku wa ibadatu al-asnam. Dakkarahu bi hujjati al-mushrikin, inna wajadana aba'ana ala umma. Sourate Zukhruf. Millata Abdul Muttalib, la religion d'Abdul Muttalib, c'est quoi? C'est l'association à Allah et l'adoration des idoles. Il lui a rappelé les preuves des polythéistes, comme dans la parole, dans la traduction du sens est, mais plutôt ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. Surat al-Zukhruf, verset 22. D'ailleurs, certains machirs, dans l'explication de ce verset-là, de cela, ils disent qu'ils ont cité que cette, ça-là comme preuve. Vous avez remarqué ça? Pour montrer l'importance de cette preuve pour chez eux. C'est la religion de tes parents, Khlas. La religion de tes aïeux, de tes ancêtres. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي أعاد عليه مقالته وهي قوله يا عم قل لا إله إلا الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui répète alors son propos, c'est-à-dire il lui a répété sa parole qui est ô oncle paternel, dis la ilaha illallah. وأعاد avec un alif à la fin. C'est le muthanna. وأعاد et tous deux ont. Le premier c'est أعاد. C'est le professeur Hassem seul qui a répété. Et le deuxième, c'est A'ada. C'est que tous deux ont répété. Anihuma, A'ada. Et donc, ils lui répétèrent tous deux leurs propos. C'est-à-dire qu'Abu Djal et Abdullah lui ont tous deux répété leurs paroles qui est délaisserais-tu la religion d'Abd al-Muttalib. Wa ala millati Abd al-Muttalib. Huwa ala millati Abd al-Muttalib. Istabdala al-rawi bidamir al-mutakallim, damir al-ghaibi, istiqbaha lil-lafdi al-madhkour. C'est que le narrateur qui a rapporté le hadith. Il a rapporté que, qu'est-ce qu'il a dit Abd al-Muttalib, Abu Talib. Mais il n'a pas dit « je suis », il a dit « il est ». Vous avez remarqué ça? Pourquoi? Cheikh Fozan, il donne la réponse, il dit que le narrateur a changé ici le pronom de la personne qui s'exprime par le pronom de la personne qui est absente, désapprouvant cette formulation par désapprobation de cette parole qui est dite. Pour ne pas dire « je ». وأبى أن يقول لا إله إلا الله هذا تأكيد لما قبله وأبى أن يقول لا إله إلا الله et il refusa de dire la ilaha illallah c'est une confirmation une insistance de ce qui a été dit précédemment ما قال للنبي أي ما ينبغي وهو خبر بمعنى النهي c'est une règle essayer de les apprendre ici c'est ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم il n'appartient pas au prophète c'est-à-dire il ne convient pas et ici c'est une information qui a valeur d'interdiction Khabar bi ma'na an-nahy on dit. المعنى الإجمالي للحديث، للصن جنرال دو حديث. كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه، فعل من حمايته ما لم يفعله غيره من الناس، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، ومن ذلك أنه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الإسلام ليكون خاتمة حياته ليحصل له بذلك الفوز والسعادة، وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد، وعرض عليه المشركون أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم طلب التلفظ بالشهادة من عمه، وأعاد المشركون المعارضة وصاروا سببا لصد عن الحق وموته على الشرك. وعند ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلبن له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك، فأنزل الله المنع من ذلك وبين له أن الهداية بيد الله يتفضل بها على من يشاء، لأنه يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح. Sans général de ce hadith qui est très important, c'est qu'Abu Talib défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous revenez à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les préjudices de son peuple. Et il le protégea d'une manière que personne d'autre ne fit. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était diligent quant à sa guidée. Et à ce titre, il le visita lorsqu'il tomba malade. Et il vint à lui alors qu'il était dans les prémices de la mort. Et il l'invita à l'islam afin que le sceau de sa vie, c'est-à-dire que sa vie soit scellée par l'islam. Et que donc par cela il obtient la réussite et le bonheur. Et il lui demanda de dire la parole de l'unicité. Mais les associateurs polythéistes l'invitèrent à rester sur la religion de ses aïeux, qui est l'association à Allah. Car ils savaient que cette parole de l'unicité avait comme sens. Ils savaient ce que cette parole avait comme sens. Ils comprenaient la ilaha illallah. En termes de négation de l'association à Allah et de sincérité dans l'adoration pour Allah seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réitéra son invitation à son oncle paternel à prononcer l'attestation de foi. Et les polythéistes réitérèrent leur opposition. Et ils furent donc par cela la cause qu'ils soient détournés de la vérité et qu'ils meurent sur l'association à Allah. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jura qu'il demandera pour lui le pardon à Allah tant que cela ne lui serait pas interdit. Et Allah révéla donc l'interdiction quant à cela et mit en évidence que la guidée n'est qu'entre les mains d'Allah et qu'il l'accorde à qui il veut, car il sait mieux ceux qui la méritent et ceux qui ne la méritent pas. Maintenant, Munasabatul Hadith al-Bab, le rapport entre ce hadith et le chapitre qu'on est en train d'étudier maintenant dans le Kitab al-Tawhid. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabu an-nas ilayh, mimma yadullu ala butlan at-ta'alluq alayhi sallallahu alayhi wa sallam jalb an-naf'i aw daf'i ad-durr wa ghayruhu min babi awla. Comment tu peux utiliser comme preuve de ce que tu avances, comme le fait qu'il ne faut pas s'accrocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'obtenir un bien et repousser le mal, etc. Eh bien, tu expliques cela en disant que le rapport entre le hadith, ici on parle de chapitre en tout cas, est que le messager d'Allah ne détient rien en termes d'obtention du bien, même pour la personne la plus proche de lui, ce qui indique la fausseté de s'accrocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'obtention du bien ou le repoussement du mal. Et cela est encore plus vrai pour toute autre personne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce sens, il ne faut pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'a pas pu aider quelqu'un qui était la plus proche de lui, et encore moins demander autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que l'on tire comme bénéfice de ce hadith. Et on terminera par cela aujourd'hui, on aura terminé le chapitre sur l'intercession et le chapitre sur le verset qu'on a cité de Sourate Al-Qasas. Ma yustafadu min al-hadith. Et ce que l'on tire comme bénéfice de ce hadith. Il y en a 9. أولاً جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه. Premièrement, premier bénéfice, l'autorisation de visiter le malade polythéiste si on espère sa conversion à l'islam ou si sa conversion à l'islam est espérée. 2. مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان. Le mal causé à l'individu par ses mauvais compagnons. 3. أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأولياء والصالحين. وإفراد الله بالعبادة وأن المشركين يعرفون معناها. Le sens de la ilaha illallah, qui est l'abandon de l'adoration des idoles et des awliya et des vertueux, et de vouer une adoration exclusive à Allah, et que les polythéistes connaissaient le sens de cette parole. Rabi'an, quatrièmement, أن من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين واعتقاد دخل في الإسلام. Quiconque dit la ilaha illallah en ayant la science quant à cette parole et la certitude ainsi que la croyance en cette parole, entre en islam. Cinquièmement, les actions valent par ce quoi elles sont scellées, hein, c'est-à-dire par les dernières actions. Sixième, tahrim ou l'istighfar et le mushrikin, ou tahrim ou mualatihim ou mahabbatihim. Le caractère illicite de la demande de pardon pour les polythéistes et du fait de les aimer. Et si le mualat, on va traduire ça par l'interdiction aussi de s'allier à eux, mais faites attention à ça, parce que le fait de s'allier ou pas aux mushrikin, on a rapporté le tafsil chez Al-Sunnah, dans Sharh Nawaq al-Islam. Il est sur notre site en audio en PDF. Parce que toute alliance avec les mouchriquins n'indique pas nécessairement un amour et une reconnaissance de ce sur quoi ils sont. Hmm? Je me souviens de la fatwa de Cheikh Al-Baz, rahimahullah, lorsqu'il autorisait d'utiliser des mouchriquins contre quelqu'un que lui-même il avait jugé mécréant à l'époque de la première guerre du Golfe. Allez, Cheikh Al-Baz, rahimahullah. Et vous connaissez les arguments qu'ils ont essayé d'amener les tekfirines, etc. Alhamdulillah. Mais en tout cas, il y a dans Sharh Nawaq al-Islam matière à réfuter tous ces choubouettes là. Et d'ailleurs, j'ai fait un PDF à part sur le fait que par rapport à la coalition contre Daesh, que c'est pas ce naqid là de l'islam, justement. Donc, je crois qu'il fait 30 ou 40 pages ce PDF que sur cette choubouha là. Tout ça sur ce spfvermigam.com. Mais ici, on pourrait traduire ça par l'interdiction de s'allier à eux et de les aimer. Septième point, بطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضرر. L'invalidation du fait de s'accrocher au prophète صلى الله عليه وسلم ou autre afin d'obtenir un bien ou de repousser un mal. ثامنا الرد على من زعم إسلام أبي طالب. La réfutation à l'encontre de ceux qui prétendent la conversion d'Abu Talib à l'islam. Certains disent qu'il est converti à l'islam, en fait. C'est faux parce que le hadith il prouve le contraire. Neuvièmement, مضرة تقليد الآباء والأكابر بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع. Dernier bénéfice pour aujourd'hui, le mal causé par l'imitation aveugle des pères et des anciens, en considérant leurs paroles comme une preuve à laquelle il faut retourner en cas de dispute. Avec cela, on a fini ce chapitre et le cours d'aujourd'hui. Et une faïda par rapport à quelque chose que je veux dire par rapport aux compagnons. Il ne faut pas comprendre que les mauvais compagnons, ce sont que des gens qui ne sont pas musulmans ou mouchriquins, etc. Tu peux avoir un mauvais compagnon parmi même les gens de la sunna. Les gens de la bid'a, évidemment, ça on sait très bien. Parmi les gens de la sunna, c'est-à-dire quelqu'un qui va te faire perdre ton temps. Quelqu'un qui va faire que tu risques de vivre dans le ghafla, l'insouciance, et de ne pas invoquer Allah Azza wa Jal, et de ne pas apprendre ta religion, et peut-être même de t'éloigner de certaines obligations, etc., etc. D'accord ? On avait dit, je dis toujours dans les doros, Cheikh Al-Uthaymeen, il a divisé les compagnons en trois. Deux qu'il faut éviter et un genre qu'il faut garder. Donc toi, tu fais le filtre dans tes fréquentations. Ce sahibu ladda, c'est le compagnon de plaisir. C'est-à-dire que lui, il est avec toi pour perdre son temps et parce que vous faites des choses ensemble, etc. Une fois que tu veux plus ça avec lui, il ne te connaît plus. Hein? Puis sahibu manfa'a. C'est celui qui a un profit en toi. Il veut ton argent. Ou il sait que tu veux faire un commerce, il est intéressé par cela, il te fréquente pour ça. Ou il sait que tu as une sœur, il veut se marier. Ou etc. etc. Hein? D'accord ? Et le troisième genre, c'est le seul qu'il faut garder, c'est sahibu fadila. Sur l'Athémine, il a dit, celui qui t'amène le fadl, le fadil, les bonnes choses, les vertus. Et Cheikh Al-Fawzi, il dit, celui qui t'appelle à t'acquitter des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui t'appelle au bien, et qui t'interdit le mal, et qui t'interdit de tomber dans les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Wa jazakumullahu khairan, wa subhanahu wa ta'ala, wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.